À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Baekdesan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études jujitsu de Suisse ont organisé en commun un rassemblement, une exposition de livres et de photos et une séance de films. Dans la salle de cérémonie se trouvaient exposés les portraits en pied du président Kim Il-sung et des dirigeants Kim Jong-il qui se trouvent ensemble, les photos qui montrent les exploits du président Kim Il-sung, du dirigeant Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les ouvrages classiques des grands hommes Baekdesan, les livres et les photos qui présentent la République populaire démocratique de Corée. À la séance de film, on a projeté le documentaire coréen « Le musée de la guerre de libération de la patrie ». On a adopté un message de félicitations adressé au maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Espagne aussi, ont eu lieu les cérémonies consacrées à la même occasion.